Le blind dégueulasse est sous la fenêtre. Je porte le chapka et les chaussettes en linge. Je suis tellement pas bien que je peux plus boire. Comme je peux me débrasser du chagrin de vous les jours de soleil. Je suis perdu, certains me ressemblent à la nuit infinie. Qu'est-ce que je veux de prendre un bas bien chaud? Peut-être ça va me débrasser du chagrin de vous les jours de soleil. Les jours de soleil. Les jours de soleil. J'ai crevé, et peut-être cette chanson me débrassera du chagrin de vous les jours de soleil. Les jours de soleil. Les jours de soleil. Les jours de soleil. Les jours de soleil. Les jours de soleil.